On a l'instinct de tuer sans te connaître. Pour commettre un crime sur un son qu'on orchestre. Avec des textes qui te prennent pour victime. 40 séquestres sur la grosse caisse. Pourquoi tu flippes quand on s'agite? On a trouvé le créant magique dans tes rayons. Tu vois notre cycle. On t'incite à prendre vite le large avant l'ultimatum. Nous on se la donne sur speed. On marque des buts comme Olivia Tonne. On t'atomise, y'a pas de devise. Car on n'est jamais appauvri. S'il faut du flow, on improvise. Monte au niveau qu'on s'introduise. Car on est là, quoi que les gens disent. T'inquiète aussi, des s'agrandissent. On vient loger une boîte dans le rap pour que nos projets se réalisent. J'en ai marre qu'on nous neutralise. Car faut qu'on mette les nôtres à l'aise. Si certains refralisent nos textes, je glisse dis, c'est trop balèze. Tu veux pas test? Non, soir ce, j'ai la patate comme Olifield. Dans ce contexte, c'est bien normal que tous les fans de l'horrifile. Ça t'en répile, mais écoute bien. Tu verras que t'adores ma fille. On est sous bois, c'est de là d'où je viens. Et dans mon cœur, je porte ma fille. On a la spam tueur, celui qui se distingue par une lueur. Dans notre regard, qui se remarque. Dans chacune de nos sueurs, l'instinct tueur. Donne juste un mic quand t'éloignes du leur. Pour tous ceux qui déçus par la vie, témoignent des larmes et douleurs. L'instinct prédateur, à notre insu. On l'a développé, des frères nets stoppés. On en a vu, des flopés. On m'a compris, qu'on se complétait même dans nos complaintes. Et toutes ces épreuves succinctes ont engendré le killer instinct. Que faut-il que je te dise pour que tu piges le jazz? La violence dans la peau, j'ai le même style que Jason. J'ai gagné des boucles d'un 8 ou d'un 16. J'ai tué mon premier MC très vite, j'avais 13 ans. Mon fusil à lunettes, mec, c'est mon crayon. Lumière rouge sur ta tête, t'es dead. Appelle-moi Léon, j'ai environ 500 meurtres à mon actif. Je les ai vus me supplier, je les ai vus rapper dans leur puce. MC, il n'est pas question qu'on sympathise. T'as mon Glock dans l'oreille, comme un gros coton-tige. La pression qui te fige. Si t'as le flow à coxie, avant d'appuyer la gâchette, je te flégis. Livrer un négro plein des sons. Et tu opé pour du vrai, pour une injection. Les pulsions sont meurtrières. Hier encore, ils ont retrouvé des corps dans la rivière. On a la spam tueur, celui qui se distingue par une lueur. Dans notre regard, qui se remarque. Dans chacune de nos sueurs, l'instinct tueur. Donne juste un mic quand t'éloignes du leur. Pour tous ceux qui déçus par la vie, témoignent des larmes et de douleur. L'instinct prédateur, à notre insu. On l'a développé, des frères nets stoppés. On en a vu, des flopés. On m'a compris, qu'on se complétait même dans nos complaintes. Et toutes ces épreuves succinctes ont engendré le killer instinct. Je démarre dès le réveil de voir l'horreur à chaque aurore. Devant chaque heure de nouveau mort, de rester fort malgré l'erreur. Faut que je m'en sorte avec l'honneur. J'en ai ras le bol d'être un zoneur. Je veux le bonheur. Pas qu'on soit tueur. L'instinct tueur comme le banner. Malgré les flops, je me développe mon pote. Je m'impose et leur stade. Je laisse pas les stars au top du top. Parce que l'Europe, c'est pas les States. Constate qu'au mic, je me défoule. Mon place, c'est ça au bac. Les foules commencent à nous entendre. Même si on travaille ça au black. Au paix, crois pas qu'on plaque. Dopé nos textes claques. Sont pas choqués. Écoute ce style. Savoir cette première dose verbale. On vient perdre, c'était d'un pan. Brisé, tout est un peu. Y'a trop d'abus, malgré le temps, je reste jeune en quête d'un but. Des seuls parcours, ma vie est trop fort pour rien, je me dénigre. Y'a rien à faire, je suis dans un trip où seule la musique me délivre. En moi elle est gravée, elle a su m'éloigner du pire. Et c'est pour elle que j'ai armé, et su garder mon œil du tigre. On a l'instinct tueur, celui qui se distingue par une lueur. Dans notre regard qui se remarque, dans chacune de nos sueurs. L'instinct tueur, donne juste un mic quand t'éloignes du leur. Pour tous ceux qui déçus par la vie, témoignent des larmes et de douleur. L'instinct prédateur, à notre insu. On l'a développé, des frères nets stoppés. On en a vu, des flopés. On m'a compris. Qu'on se complétait même dans nos complaintes. Et toutes ces épreuves succinctes ont engendré le killer instinct. On a l'instinct tueur, celui qui se distingue par une lueur. Dans notre regard qui se remarque, dans chacune de nos sueurs. L'instinct tueur, donne juste un mic quand t'éloignes du leur. Pour tous ceux qui déçus par la vie, témoignent des larmes et de douleur. L'instinct prédateur, à notre insu. On l'a développé, des frères nets stoppés. On en a vu, des flopés. On m'a compris, qu'on se complétait même dans nos complaintes. Et toutes ces épreuves succinctes ont engendré le killer instinct. Le bouc dans les sous. Injection verbale, ok. Normal, on fait les visers. Si, si, à la régulière.